Bonjour, mais moi je vais présenter un papier qui s'intitule L'ambiguïté du statut des militantes au sein du MNLA, donc entre survalorisation et réassignation genrée. Alors on est dans un contexte en Afrique de l'Ouest à l'heure actuelle où il y a une inquiétude sur la montée de l'islam radical et le droit des femmes dans cette région du monde. Et donc les images qui sont véhiculées des femmes touareg contrastent totalement avec cette image puisque on a à la fois dans les médias et la littérature des images de femmes touareg qui sont à la fois autonomes, résistantes, libres sexuellement. Et c'est assez symptomatique. Il y a un livre qui est sorti il y a peu de temps, qui a été écrit par un ancien, enfin militaire qui est à la retraite, et qui s'intitule « Hommes voilés et femmes libres, les touareg ». Donc ça donne un peu le ton de l'image qui est véhiculée sur les Touareg. Et donc, vu du sud du Mali, il y a aussi cette image dans les associations de femmes leaders sudistes qui expriment aussi une admiration très forte envers le rôle des femmes Touareg dans leur propre communauté. Donc, c'est vrai qu'au sein donc, du MNLA, du Mouvement National de Libération de la Zaouate, qui a déclenché le conflit en janvier 2012 contre l'État malien au nom de l'indépendance de la Zaouate, les femmes ont eu très rapidement un rôle assez prépondérant et indispensable en fait au déclenchement de la lutte, puisque dès 2011, dès le début de l'année 2011, il y a un mouvement étudiant qui s'appelait le MNA, Mouvement National de la Zaouate, qui s'est peu à peu militarisé pour aboutir à la création du MNLA. Et ces jeunes étudiants ont très vite fait appel à leurs aînés, et en particulier leurs mères, leurs tantes, etc., qui avaient participé aux rébellions précédentes. Donc au Mali, il y a eu quatre rébellions déclenchées au nord, donc en 63, en 90, en 2006, et donc celle qui a été déclenchée récemment en 2012. Et donc c'est assez ironique parce que dans un premier temps, en fait, le MNLA va se construire sur des financements étrangers captés par des associations de femmes de la Zaouade au nom de l'émancipation féminine. Et ça va permettre de mettre en place tous les premiers réseaux clandestins et avoir un premier financement. Donc en plus de capter ces financements, elles vont transmettre aux plus jeunes des compétences effectives pour la mise en place de la lutte, elles vont transmettre la mémoire des rébellions précédentes, elles vont vraiment participer à la création du cadre idéologique et cognitif de la lutte. Et donc, il y a énormément de discours, entre autres les hommes militants indépendantistes qui tarissent pas d'éloges envers ces femmes touareg militantes indispensables à la lutte. Mais alors la question ici que je vais essayer de résoudre, donc je vais essayer de vous présenter vraiment en quoi elles sont, qu'est-ce qu'elles font effectivement dans la lutte. Mais à la fois, ce qui est intéressant à l'heure actuelle, c'est qu'un accord de paix a été signé en 2015. Et donc, il y a une médiation qui a été mise en place, un système de redistribution de dividendes, de conversion, en fait, du capital militaire, politique, etc., en capital économique, entre autres par le biais de la médiation. Et donc, il y a énormément de postes qui sont redistribués à ces rebelles qui ont participé à la rébellion. Mais il n'y a aucune femme, pourtant très importante au sein du MNLA qui a pu accéder à un poste dans la sphère politique publique. Donc j'ai essayé de m'interroger à la fois sur cette contradiction, sur cette survalorisation et le fait qu'elle soit indispensable dans la lutte et le fait qu'elle ne puisse pas avoir accès à la fin du conflit à un poste politique. Donc de façon générale, je ne vais pas avoir des conclusions qui sont très différentes de ce qui a été fait à l'heure actuelle sur les mouvements armés et le rôle des femmes en guerre, puisqu'il y a eu différents cas qui tirent des conclusions quand même plutôt similaires et qui montrent que de façon générale, la guerre n'est finalement pas vraiment un moment où se rejouent les rapports genrés. Il y a plutôt tendance à un renforcement des rapports traditionnels de genre. Et puis même, ce qui est assez étonnant, même dans les mouvements comme le PKK qui proclame en tout cas une émancipation féminine dans son idéologie de base. Donc, ce qui est particulier avec le MNLA, c'est que c'est un militantisme très familial qui va être calqué. Donc on milite en famille, avec son père, sa mère, ses tantes, ses neveux, etc. Donc déjà, l'organisation du mouvement est vraiment basée sur cette hiérarchie familiale, et une hiérarchie aussi générationnelle. Mais du coup, contrairement à d'autres mouvements où les femmes vont s'engager pour fuir le domicile familial, comme ça a été le cas par exemple au Salvador, ça a été assez décrit par Jules Falquet, les femmes au sein du MNLA vont continuer à militer au sein de leur foyer, auprès de leurs parents, dans l'espace domestique. Donc les femmes sont considérées comme les charpentes du mouvement, comme les gardiennes de la mémoire et des traditions, dans une idée assez classique, et donc leur influence dans la sphère privée est magnifiée dans le milieu militant. Et du coup, qu'est-ce qu'il exprime ce discours des hommes très élogieux face à ces femmes ? Alors, j'émets l'hypothèse, peut-être un peu douteuse, que cette reconnaissance, en fait, du travail des femmes dans l'espace militant va permettre, en fait, de contenir un possible bouleversement de l'ordre social dans les rapports de sexe. Parce qu'on va constater qu'au sein de l'organisation militante, il y a donc cette survalorisation des tâches qui sont, en fait, envisagées comme féminines. Donc la cuisine, les soins, le relais, la transmission de la mémoire, des émotions, etc., qui va s'accompagner en même temps d'un frein à tous les investissements, toutes les initiatives des femmes dans des tâches qui vont être perçues comme plus masculines, comme le militaire, le politique, l'investissement dans la sphère publique. Donc je vais vous présenter trois parties. Donc la première, je vais essayer de vous montrer en quoi effectivement les femmes militantes ont été déterminantes tant au niveau logistique qu'idéologique dans la création du mouvement. Ensuite, je vais essayer de vous montrer dans un second temps quel est leur rôle dans la transmission des mémoires des rébellions précédentes et donc de la création de ce cadre idéologique et cognitif, mais aussi dans la reproduction de la lutte. Et comment elles vont s'appuyer aussi sur des normes conventionnelles de genre. Et enfin, en dernière partie, je vais essayer de regarder quelles ont été ces tentatives des militantes pour sortir de leur rôle qui leur était assigné et donc tenter de s'investir en politique, prendre les armes, etc. Et donc, je squeeze un peu la fin. Il n'y aura pas de suspense parce que je ne sais pas si j'irai au bout. Mais on se rend compte que finalement, donc comme je le disais, l'engagement dans la rébellion ne va pas permettre de remettre en cause le système de domination traditionnel, qui va être accentué par le fait que c'est un mouvement finalement assez conservateur dans sa façon de fonctionner. Mais aussi que finalement, la seule façon pour les militantes d'accéder à la sphère politique publique, ça va être la rupture avec le groupe d'appartenance et donc l'adhésion à l'État central. Donc pour cette communication, donc j'ai commencé mon terrain sur le MNLA en 2012. Donc j'ai fait 8 terrains, beaucoup dans la sous-région, dans les zones de repli, donc en Algérie, en Mauritanie, au Niger et au Maroc, et ces dernières années à Bamako. Donc je commence sur la première partie sur le rôle des femmes dans la création du MNLA. Donc en fait, en octobre 2010, il y a le MNA dont je vous parlais, ce mouvement étudiant qui est créé et qui va être officialisé en tant que mouvement politique. Il y a une répression de l'État central qui va capturer deux des leaders et les mettre en prison d'État. Et suite à cet événement, les jeunes du MNA vont solliciter ces femmes déjà constituées en association qui sont basées au sud de l'Algérie et au nord du Mali. Donc ces femmes vont répondre à l'appel des étudiants, comme je le vous disais, d'abord au niveau financier, puis au niveau logistique, et transmettre les expériences passées aux plus jeunes pour transmettre des compétences. Donc dans le sud de l'Algérie, il y a un réseau de femmes militantes qui est très organisé depuis la première rébellion, puisque c'est une zone qui permet de faire le lien entre la Libye et le nord du Mali, Et en Libye, comme vous le savez certainement, il y a énormément de Touaregs qui ont travaillé au sein de l'armée de Kadhafi, qui partaient se former au sein de l'armée de Kadhafi. Et donc, ces femmes permettaient de constituer une sorte de maillage, donc pour à la fois envoyer les jeunes qui partaient pendant leur moment de transfert, qui partaient en Libye ou qui revenaient, mais aussi pour du coup faire passer les armes, les cacher, faire passer l'information, de l'argent et du carburant, etc., jusqu'au nord du Mali. Donc quand ces femmes vont prendre en charge ces jeunes, d'abord elles vont leur transmettre les premières pratiques clandestines, comment militer en toute discrétion, elles vont leur fournir des lieux de l'espace domestique, les salles de bain, les cuisines, etc. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'elles vont aussi, du coup, ça leur permet de toujours garder un œil aussi sur ces jeunes militants, de les garder dans l'espace domestique. Et donc, ces femmes qui militent à l'intérieur du foyer vont avoir ce rôle déterminant, comme je le disais, d'accueillir ces jeunes qui sont en transit et de les nourrir, etc., le temps qu'ils repartent. Et donc, j'ai mis dans ce texte un extrait d'une militante qui m'explique les mots de... Elle m'explique que tous les 2-3 jours, pendant la rébellion, au tout début de la rébellion de 90, les jeunes hommes font des allers-retours. Et donc elle est avec son mari basé à Tamanrasset, dans le sud de l'Algérie. Et elle reçoit tous les jours entre 20 et 40 personnes, des jeunes qui sont en transit. Et elle fait la cuisine toute la journée. Et elle me raconte que c'était une époque où elle a été enceinte et qu'elle avait tout le temps des maux de tête très forts, parce qu'elle était proche du gaz et qu'elle cuisinait sans cesse, etc. Et donc, ça, c'est pour donner un exemple de la façon dont, en fait, ces femmes vont avoir des sortes de blessures de guerre qui ne sont pas considérées comme des blessures de guerre dans l'imaginaire militant et qui vont laisser des traces invisibles et donc qui ne vont pas permettre de valoriser, bien que ça l'est dans le discours, mais de voir visiblement ce qui est très fréquent entre les militants, de se montrer sa blessure, etc. Donc voilà. Et donc les femmes vont réajuster leurs tâches pendant tout le conflit. Donc comme je disais, dans un premier temps, ça va être la liaison, mais elles vont continuer à faire faire l'alimentation pour les forces armées, à faire de la couture, de la confection, à la fois des turbans, des bidons d'eau, des couvertures, etc. Elles vont récolter des financements pendant tout le conflit. Elles vont s'occuper du soin des combattants. Donc des choses assez classiques dans le rôle des femmes en guerre, mais elles vont aussi effectuer la propagande politique. Et donc, ça a été beaucoup dit au début de la rébellion de 2012. La rébellion de 2012, c'est les femmes et les jeunes, ce que les militants disent beaucoup, puisque c'est cette alliance, comme je vous disais, de ces associations étudiantes et féminines. Et alors cette alliance entre les femmes et les jeunes, elle va continuer pendant tout le conflit. Dans le discours des leaders, ils vont être assimilés sans cesse. Et donc c'est une sorte d'alliance, de cadets sociaux. En tout cas, ils vont être considérés comme des cadets sociaux dans les positions qu'ils vont pouvoir avoir à l'intérieur du mouvement. Et continuer le travail ensemble pendant tout le conflit. Donc la propagande politique, c'est aller dans les campements, parler du MNLA avant qu'il émerge, recruter, etc. Et pour faire ça, les femmes vont s'appuyer aussi sur leur stéréotype de femme. Bien sûr, c'est beaucoup plus facile d'accueillir une femme à l'intérieur de son campement qu'un homme, elle n'est pas soupçonnée, etc. Donc elles sont très valorisées pour ça, et elles vont utiliser aussi leurs atouts de séduction féminin. Je vais vous lire un tout petit passage d'un cadre du MNLA qui m'expliquait comment il avait été recruté au sein du MNLA. Et donc il me parle de cette dame qui est arrivée très belle chez lui pour le convaincre de rentrer dans le mouvement. Il dit « Elle est rentrée chez moi, dans mon bureau, elle était bien voilée, bien parfumée, bien encensée pour m'amener au MNA. » Donc il est effectivement à l'heure actuelle au sein du MNA. Et donc de façon générale, j'en parlerai tout à l'heure peut-être un peu, mais les rapports de séduction et les relations amoureuses sont vraiment intriqués dans le mouvement, puisque c'est à la fois des relations, c'est calqué sur l'organisation familiale, mais aussi des réseaux amicaux et des réseaux amoureux, matrimoniaux, etc. Et l'incitation à entrer en lutte se fait beaucoup sur des jeux émotionnels entre les femmes et les hommes. Donc les femmes aussi, dans la création de ce cadre idéologique, vont aussi être toutes les petites mains des attributs de l'État azawadien, du nationalisme azawadien en tout cas. Donc les étudiants du MNA ont créé un drapeau et c'est elles qui l'ont cousu, qui l'ont diffusé, qui en ont fait plein de petits objets du quotidien, comme des tasses, des couvertures, des boubous, des t-shirts, des montres, des services à thé, des jeux pour enfants. Il y a énormément, ça se décline en plein de petits objets du quotidien. Et elles vont aussi organiser les fêtes. Par exemple, le 6 avril 2012, l'Azawad a été proclamé indépendant, donc de façon unilatérale. Et tous les 6 avril, depuis cette date-là, il y a une cérémonie dans le nord du Mali. Et c'est elles qui vont organiser toutes ces cérémonies-là avec les jeunes, comme je vous le disais tout à l'heure. Au niveau de la transmission de la lutte, donc ce qui est intéressant, c'est qu'elles vont prendre en charge les enfants et les plus jeunes. Dans la transmission de cette mémoire, on en parlait hier aussi avec Tiguest, donc comment les mères sont très importantes dans la transmission d'une mémoire de lutte, et elles vont aussi finalement mettre en place une forme de reproduction du système genré, puisque les petits garçons ne vont pas avoir les mêmes discours que les petites filles, et donc les petites filles qui sont destinées à militer dans l'espace domestique vont être moins visés que les petits garçons qui vont être mis en disposition d'affronter l'ennemi, qui vont hériter en fait d'une lutte, d'une idée d'un peuple azawadien, mais aussi d'une disposition à affronter l'ennemi. Donc elle parle énormément aux enfants, il y a énormément de discussions au sein des cercles familiaux. Donc comme je disais, on va transmettre et solidifier cette image d'un ennemi commun qui est l'État central malien et préparer en fait les enfants à assurer la continuité du groupe et puis de la lutte. D'ailleurs, c'est assez symptomatique du fait que les enfants entendent parler depuis toujours, puisque c'est assez compliqué pour les militants de dire à quel moment ils ont vraiment eu envie de s'engager dans cette lutte pour l'indépendance de l'Azawad, etc. Souvent, ils répondent que c'est depuis toujours, qu'ils n'ont pas de souvenirs précis, il n'y a pas eu un choc moral qui a fait prendre conscience qu'il fallait se battre contre cet État. Et là, je vais vous citer une militante qui est très reconnue dans le milieu azawadien, puisque c'est la veuve d'un grand rebelle, qui est un grand rebelle de 90 et 2006. Et je lui demande à ce moment-là si elle pense qu'ils sont sur la bonne voie pour l'indépendance de l'Azawad, où ça en est, quelle est sa vision de l'avenir sur cette lutte. Et elle me dit « oui, on est sur la bonne voie, parce que comme les femmes et les enfants en parlent toujours, ce sont des choses qui restent. Ça va rester dans la mémoire des enfants. Ils vont chercher leurs droits, aussi ils vont les trouver. Tu vois, à la maison, tout le monde parle de ça tout le temps. » Et donc c'est vrai que dans les foyers, là je suis en Algérie, dans un contexte politique où absolument contre l'indépendance de l'Azawad, où les femmes agissent en clandestinité, mais pourtant dans l'espace domestique, on parle sans cesse de la rébellion en présence des enfants. Parler aux enfants pour les... Les mères envisagent, enfin conscientisent le fait que parler aux enfants, c'est une façon de s'assurer qu'ils vont perpétrer la lutte, même si eux ne sont plus là. Et du coup, je continue et je lui dis, mais Est-ce que, parce qu'elle a un petit garçon et elle a perdu son mari, du coup, dans la rébellion, elle demande si elle n'a pas peur de perdre son fils au combat en l'incitant à prendre les armes. Elle me dit, de toute façon, la personne va mourir un jour. Pour moi, c'est mieux de mourir en train de combattre que de mourir à la maison comme ça. Au moins, si tu meurs dans la rébellion, il y a des gens qui vont se souvenir de toi. Si tu meurs à la maison, on va t'oublier dès que tu vas rentrer. Donc là, on est dans un contexte militant où, en fait, l'engagement des enfants est vraiment, comme vous pouvez l'entendre, revêtu d'une véritable obligation émotionnelle pour finalement exister dans sa propre société, presque jusqu'après sa mort. Et on sait par d'autres travaux sur les mobilisations que aussi que la validation de l'engagement au sein du milieu familial et la reconnaissance en fait de la part des adultes peuvent être en tout cas déterminants dans l'engagement politique du plus jeune. Alors dans le cas du MNLA, c'est renforcé par le fait que donc il y a ces dispositions qui sont transmises dans le cadre de la famille, qui vont finalement s'aligner avec le dispositif par le fait qu'on a des oncles, des tantes et des amis qui vont prendre les armes et qu'on peut y entrer facilement. Je vais rapidement, c'est une autre forme de préparation à l'affrontement de l'ennemi. C'est un combattant qui, lui, par contre, arrive à me raconter comment il a vraiment compris le conflit qui opposait son groupe d'appartenance à l'État central. Et donc, il me raconte un jeu qu'il faisait quand il était petit. Et il me raconte ça, je vous lis un petit extrait. Il me dit « Les parents nous amènent, nous, tous les petits, en forêt pour faire des jeux de cache-cache. C'est comme ça que j'ai compris comment les rebelles, comment le Mali. Donc, il y a des groupes qu'on appelle le Mali. On choisit le groupe pour le Mali. On choisit le groupe pour les rebelles. On utilise les bois de l'arbre comme une arme, un pistolet. On était petits. » Et là, il commence à imiter. Il dit « Hé, l'armée malienne, ne bouge pas. Si tu bouges, t'es mort. Je me cache sous un arbre. J'ai même peur du jet-li, du judo. Hé, Mali, il faut t'asseoir. Si tu bouges, t'es mort. Est-ce que tu vois ? Moi, je me rappelle du nom de Iyad. Iyad Arali, qui est un rebelle des années 90 très connu. Je crois que c'est le plus fort du monde. Moi, je me renommais Iyad. Et les autres, je me rappelle, Abderrahman, Abdallah, comme ça, comme ça. Est-ce que tu vois des hommes courageux, des héros, hein ? À chaque fois, on dit « on tire » et tout le monde tire, on tient nos positions, on reste branché à tout ce qui se passe. » Donc là, il me raconte un jeu d'enfant. Et ce qui est intéressant, c'est que donc là, on ne sait pas s'il y a des petites filles, mais on imagine qu'il n'y en a pas parce qu'il ne donne que des modèles masculins, après peut-être. Et donc, il y a à la fois cette façon de personnifier le Mali, etc., mais aussi ça permet de voir quels sont les rôles valorisés dans sa propre société, comment l'enfant imagine un homme courageux. Et puis les jeux d'enfants aussi nous renseignent d'une certaine manière sur les modèles de genre qui sont véhiculés dans une société. Et puis un enfant va jouer au grand, donc à partir des modèles valorisés dans le discours des adultes. Donc je vais passer à la troisième partie. Donc comme je vous disais jusque-là, donc on voit que les femmes ont été très importantes à la fois dans cette transmission de la lutte et puis au niveau logistique dans la création du mouvement. Et donc elles vont mettre petit à petit en place les conditions en fait de reproduction de ce groupe. Mais finalement, comme je le disais en introduction, quand les femmes vont tenter des initiatives politiques et militaires qui vont les éloigner de ce rôle traditionnel qui leur est assigné, ça va aboutir que très rarement à une prise de pouvoir effective ou à un renversement des relations de pouvoir dans la hiérarchie familiale. Donc en fait, dès 2011, comme je vous disais, juste avant que le conflit se déclenche, les associations de femmes et de jeunes vont participer à des manifestations dans le nord du Mali contre la présence de l'État malien. Et à ce moment-là, du coup, ces femmes vont s'initier à ce répertoire d'action, à la manifestation dans l'espace public. Et elles vont continuer à utiliser ce mode de protestation. Donc, dans un premier temps, les manifestations vont toutes être dirigées contre l'État central malien. Mais il y a une bataille en mai 2014 qui se termine par la reprise de Kidal par les mouvements azawadiens. Et donc, il n'y a plus de présence de l'armée malienne. Et donc, il y a la coordination des mouvements azawadiens qui va prendre en charge la gestion de la ville. Et à ce moment-là, donc, il y a plusieurs histoires de corruption. Les manifestations qui étaient dirigées principalement contre l'État central sont maintenant dirigées contre leur propre leader azawadien. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que très vite, la coordination des mouvements de l'Azawad va mettre en place un système qui font que les femmes et les jeunes sont obligés de donner à l'avance de déclarer leur manifestation, de donner l'itinéraire de leur manifestation et donner les raisons de la manifestation. Donc, ils vont être envoyés vers un comité de gestion qui peut régler le différend. S'il n'y a pas de comité de gestion qui peut régler le différend, il y a un comité ad hoc qui peut résoudre le différend et donc annuler la manifestation. Donc, au maximum, on fait en sorte d'annuler la manifestation. Et c'est vraiment dans le cas où il n'y a aucun accord qui est trouvé que la manifestation est maintenue. Mais alors, donc, ce mode de contrôle, en fait, des méthodes de protestation, donc des cadets sociaux, comme on l'a vu, dans l'espace public, est pris en charge par l'organisation militante. Mais comme je vous disais au début, il y a une intrication très forte des relations familiales, amicales et militantes. Donc une autonomie du politique qui est très complexe, puisque tous les milieux, toutes ces sphères sont intriquées. Donc finalement, ça va aboutir au fait que c'est les pères et les époux qui vont interdire à leurs femmes et à leurs enfants de manifester. Même si c'est fait autrement, puisque chacun a une position dans une association dite de la société civile azawadienne, par les jeunes ou les femmes, ou au sein de la coordination des mouvements de l'Azawad. Il y a une autre chose dont je voulais vous parler, c'est que il y a une unité militaire de femmes qui a été créée, ce qui, à ma connaissance, est la première fois dans l'histoire des rébellions maliennes. Et donc, cette unité de femmes a été créée dans un premier temps pour assurer la sécurité intérieure dans la ville de Kidal. Parce que, en fait, c'est un espèce de double mouvement. C'est qu'à la fois, ces unités féminines vont bouleverser... Je termine. Ouais. Donc ces unités féminines vont bouleverser les coutumes locales tout en s'y conformant très fortement, puisque ces unités féminines vont être créées face à l'augmentation d'événements féminins, d'événements politiques féminins, et qu'aucun homme accepte de s'interposer entre deux femmes, par exemple, qui vont se disputer, ou de fouiller les femmes à l'intérieur des villes. Donc finalement, c'est un moyen... Donc cette unité qui va être aux allures émancipatrices va renvoyer au fait que ces femmes sont propriétés des hommes, qu'il ne faut pas les toucher, et que finalement, ça arrange tout le monde. Et ces unités, juste pour aller au bout de cette idée-là, ces unités, en fait, ne sont pas vraiment destinées au combat. Elles vont continuer à agir dans les villes pour l'entrée, les douanes, etc., les fouilles. Mais les femmes vont plutôt utiliser cette unité pour rappeler aux hommes, ça va constituer, en fait, la prise des armes va constituer une menace claire pour les hommes dans ce qui les légitime, dans leur courage, dans leur participation à la lutte de l'indépendance. Et finalement, c'est quelque chose qui a été observé, en fait, c'est assez intéressant aussi, en Irak, où le chef d'Al-Qaïda a recruté des femmes, et il s'est rendu compte que grâce à ça, il avait doublé le recrutement des hommes, parce qu'il avait provoqué un sentiment de honte, et c'est un peu le même système qui a été mis en place, mais cette fois par les femmes, et du coup, ben, je m'arrête là pour la conclusion. Tant pis.